19-41. Activation orale et écrite. Dictée et compréhension. 1. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage deux fois. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Laure? Très bien. Tu n'as rien à faire? Mais fais quelque chose, je sais pas, moi, étudie tes leçons. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Laure? Très bien. Tu n'as rien à faire? Mais fais quelque chose, je sais pas, moi, étudie tes leçons. Deux. Maintenant, répondez aux questions. Qu'est-ce que Marie-Laure fait? Qu'est-ce que Mireille lui dit de faire?